Masque tombe, mais faut les remettre, j'suis dans l'impasse, dans une embuscade. Fin de la partie, j'me mange un plus 4. J'suis pas rassuré par les miens ni aucun être. À croire que j'suis d'une autre planète, j'ai perdu beaucoup quand j'ai pas su me battre. J'ai fait des choix, c'est pas les bons, mais c'est les bons. Comment t'expliquer? Si j'ai pied, tu sais, c'est que c'est le fond. J't'aime toujours, mais n'en abuse pas. T'as juste à monter le son, ça aura plus d'impact si les ratures parlent. J'ai que de l'amour pour les miens. En vrai, j'ai pas que du sang sur les mains. Pourquoi l'homme est dans l'adversité? Je veux que mes yeux voient la vérité, mais mettre un voile sur les tiens. Toutes ces choses que j'peux pas t'expliquer. Plus j'avance, plus j'ai peur. Tous ces faux amis qui m'avaient l'air sincères. Depuis j'ai fait une croix sur mes peurs. J'ai voulu écrire ma propre histoire, elle avait l'air parfaite. J'en ai pas vu toute ma life éternelle. J'ai pour vous, j'suis seul pour ma vie. Maintenant, j'vais vivre pour moi. J'suis dans l'espace, n'aime pas le mensonge, mais c'est bien ça dès qu'un humain me parle. On se promet mon émerveil mais on se connaît même pas. C'est pas la même direction mais on marche du même pas. Tu me dis que tu m'aimes mais dis-moi pourquoi je ne m'aime pas. Je compte les minutes parfois les secondes qui nous séparent. Tu m'as fait croire que j'étais différent, que j'étais le bon. Au cœur de glace qui se laisse fondre. Plus j'avance seul et dans ma bulle plus j'ai les réponses à mes questions. J'ai que de l'amour pour les traîtres. On m'envoie des fardeaux pour que je les traîne. Tout ce monde commence à me faire flipper. Est-ce que tout ça on l'a mérité? Je crois bien mais tout ça m'effraie. Faire le saut de l'ange en tête piquée. Plus j'avance plus j'ai peur. Tous ces faux amis qui m'avaient l'air sincères. Depuis j'ai fait une croix sur mes peurs. J'ai voulu écrire ma propre histoire, elle avait l'air parfaite. J'en ai pas vu toute ma vie.